La filière. Une enquête de Philip Sands. Écrite et racontée par Philip Sands. Adaptation, India Boucrel et Florence Martin-Kessler. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Philip Sands a enquêté pendant plus de 10 ans sur Otto Wächter, un officier nazi responsable du massacre de milliers de juifs de 1942 à 1945 qui a échappé à la justice. À la fin de la guerre, Otto Wächter s'est caché pendant 3 ans dans les montagnes autrichiennes pour échapper à ceux qui étaient à ses trousses. Buko Hartmann, son compagnon de cavale de l'époque, est encore en vie et a raconté comment Charlotte Wächter venait régulièrement ravitailler son mari. 5e épisode. Un fugitif à Cinecittà. Avril 1949. Il est minuit quand le train d'Otto Wächter entre dans la gare centrale de Rome. Il arrive de Bolzano, une station tyrolienne qui grouille d'anciens nazis, où il a dit adieu à sa femme. Il ne sait pas où dormir. Il n'a que le costume qu'il porte sur lui. Peu d'argent, peu de bagages. Il voyage sous un faux nom, Alfredo Reinhardt, car il est recherché pour crime de guerre. Je m'appelle Philip Sands et vous écoutez La Filière. Document numéro 000508 du registre central des criminels de guerre. Date des crimes 1942-1945. Lieu, Lemberg. L'intéressé est responsable de massacres, d'assassinats et d'exécutions commis sous son commandement alors qu'il était gouverneur de Galicie. Après 3 ans de cavale, 3 ans pendant lesquels il a erré de refuge en refuge dans les montagnes autrichiennes avec Buko, Otto rejoint sa famille à Salzbourg, mais il finit par être repéré. Il décide alors de partir pour Rome, où il sait qu'un réseau d'exfiltration aide les fugitifs comme lui. Nous sommes en 1949. L'Italie, après 20 ans de fascisme, suivi de l'abolition de la monarchie, de l'occupation allemande, de l'avènement de la République de Salo, de 2 ans de guerre civile, de la libération par les Alliés et d'un référendum controversé, l'Italie devient une république. 1949, c'est aussi le début de la guerre froide. Le monde est en plein bouleversement. Rome est un nid d'espions. On y croise des Soviétiques, des Américains, des Italiens, des Britanniques. Otto Wächter se retrouve jeté au cœur d'une ville où il faut se méfier de tout le monde. Il a besoin de soutien. Mais vers qui se tourner ? Son contact le plus important est Mgr Udall. Alois Udall est autrichien. Il est né autour de 1880 et vit à Rome depuis 1923, où il occupe le poste de recteur de l'Anima, un centre théologique pour prêtres germanophones. C'est aussi un grand sympathisant du national-socialisme depuis les années 30. Il a continué à soutenir le mouvement après la défaite de l'Allemagne. Norman Goda est historien, spécialiste de l'Allemagne nazie et de la Shoah. Il me parle d'Alois Udall, un homme proche du pape Pie XII, que certains appellent l'évêque nazi. C'est sans nul doute pour le rencontrer qu'Otto est venu à Rome. À l'époque, Udall dirige la commission pontificale d'aide aux réfugiés, en particulier allemands. Il protège des nazis fugitifs. Il fournit des passeports à certains et devient le principal interlocuteur de ceux qui veulent fuir l'Europe ou y rester sous une fausse identité. Après la guerre, beaucoup d'Européens convergent vers l'Italie parce que la Croix-Rouge délivre des passeports temporaires aux apatrides. Évidemment, c'est un filon parfait quand on est un nazi recherché par toutes les polices, comme Otto Wächter, qui avait déjà de faux papiers, ou Adolf Eichmann. Eichmann s'occupait des affaires juives et de l'évacuation au sein du Troisième Reich. Il était responsable de la logistique de la solution finale, notamment de l'organisation des déportations. Il devient Ricardo Clement et en juin 1950, il est exfiltré de Gênes à Buenos Aires, en Argentine. J'ai cherché à savoir combien de nazis avaient pu fuir en Amérique latine, via le Vatican et par d'autres filières. Le chiffre qui revient le plus souvent est 10 000. 10 000 criminels. Cette filière d'exfiltration, on l'appelle en anglais « the rat line ». Dans « rat line », il y a aussi le mot « rat », dont on sait bien que c'était un mot utilisé par les nazis pour déshumaniser les juifs. Moi, je visualise ces bourreaux, devenus fugitifs, s'échappant le long d'itinéraires déjà tracés. Mais tracés par qui ? Par Monseigneur Oudal. Dans ses lettres à Charlotte, Otto évoque l'évêque sans le nommer. Hier matin, je suis allé voir ce prêtre qui m'avait écrit une lettre charmante. Au début, il était assez réservé, mais dès qu'il a su qui j'étais, il s'est montré plus chaleureux. Il avait entendu parler de moi et connaissait bien mon cas. Il veut m'aider, notamment sur ce qui est, pour le moment, le plus problématique. Mais Monseigneur Oudal n'est pas la seule personne mentionnée dans les lettres et le journal intime d'Otto. Un autre nom revient fréquemment, comme Charlotte l'explique dans une interview au journaliste allemand Hans Jakob Stelle. Warum wollte er nach Rom? Pourquoi aller à Rome? Parce que là-bas, il connaissait plein de gens. Qui ça? Il connaissait, son nom m'échappe, mais c'était un proche du chef des jeunesses hitlériennes. Lauterbacher, oui, ça devait être lui. Il y avait plusieurs personnes là-bas. Je sais seulement qu'on lui avait dit qu'elle pourrait le parrainer pour l'Argentine. J'ai passé au crible la correspondance d'Otto Wächter pendant qu'il était à Rome. Et deux noms reviennent régulièrement. Un certain Dettering, que Otto rencontre souvent au café Donet, et un autre homme appelé Bauer. Après y avoir travaillé très longtemps, et croyez-moi, ça a été un travail très minutieux, nous avons pu établir que Dettering et Bauer étaient les pseudonymes du même homme, un Autrichien du nom de Hartmann Lauterbacher, l'un des créateurs des jeunesses hitlériennes, qui a dirigé pendant la guerre la province de Hanovre avant d'être promu général de la SS en 1944. C'était un homme fiché par les services de renseignement de l'armée américaine. Dans les fiches, il est décrit comme nazi pur et dur. Norman Goeder a consulté pour nous les dossiers des archives nationales américaines à Washington. Il nous a confirmé qu'il existait bien un dossier au nom d'Otto Wächter, mais qu'il était presque vide. En revanche, celui d'Hartmann Lauterbacher est très fourni. Ce qui est intéressant, c'est que le CIC, Counter Intelligence Corps, s'est intéressé à Lauterbacher en raison de ses liens avec les mouvements d'extrême droite italiens. Le Counter Intelligence Corps, le service de contre-espionnage de l'armée américaine, est un ancêtre de la CIA. Dans l'un de ses dossiers, Lauterbacher y est décrit comme un individu lié à la droite radicale italienne et proche des idéaux néofascistes. Mais comment est-il arrivé à Rome? Autant sa vie depuis ses 14 ans avait suivi une trajectoire rectiligne, totalement dédiée au nazisme, il avait fondé une des premières branches des jeunesses du parti en Autriche, autant son destin devient ensuite incroyablement rocambolesque. En avril 45, on le retrouve au volant d'une camionnette remplie de cigarettes, alors qu'il fuit en se faisant passer pour un représentant en tabac. Peine perdue, il se fera arrêter 6 semaines plus tard par les Anglais. En 1946, Lauterbacher est cité comme témoin par un des accusés au procès de Nuremberg. Puis les Britanniques l'inculpent parce qu'il a exécuté des prisonniers anglais. Il est acquitté. Les Américains le mettent en examen et le juge pour l'exécution de prisonniers américains, il est acquitté. Mais en 1948, sentant le vent tourner, il s'enfuit en Italie. Lauterbacher est donc acquitté deux fois, pour deux séries de meurtres. Il est quand même incarcéré près de Brême et s'évade de prison dans des circonstances jamais élucidées. Jamais élucidées ? Pas si sûr. Un rapport déclassifié de la CIC nous apprend que Lauterbach a réussi son évasion grâce à une groupe de 20 ou 30 hommes, une sacrée opération donc, menée par des anticommunistes et d'anciens généraux SS. En février 48, Lauterbach débarque à Rome, un an avant Wächter, qui lui est toujours dans ses montagnes. Il va devenir l'une des petites mains de la filière. Un autre rapport de la CIC précise en effet qu'il fournissait des permis de séjour italiens à des nazis. Arrêté par les Italiens et incarcéré, il s'échappe à nouveau, s'installe en Argentine, où Juan Perón vient d'être élu président. Perón avait été membre de la mission militaire argentine à Rome dans les années 30 et admirait Mussolini. À son arrivée au pouvoir, il transforme son pays en terre d'asile pour nazis et fascistes en cavale. Lauterbach continue depuis Buenos Aires à coordonner les filières d'exfiltration. Avant de repartir en Égypte, avec l'assistance de la CIA, sa carrière d'espion bat son plein. Au milieu des années 70, la CIA retrouve Hartmann Lauterbach au poste improbable de conseiller auprès du gouvernement ghanéen. Quelque temps après, on le retrouve conseiller du sultanat d'Oman, dont il établit la politique d'éducation. Il finit par s'installer en Bavière, où il meurt de sa belle mort à l'âge de 79 ans. Je décide de partir à Rome, continuer l'enquête. Je propose à Horst, le fils d'Otto, de m'y retrouver depuis son Schloss autrichien. Il est partant, évidemment, pour rechercher les traces de son père, marcher dans ses pas, voir où il a vécu. Justement, dans le journal intime d'Otto, à la date du jeudi 5 mai 1949, on lit « Umzug », c'est-à-dire « déménagement ». Et il écrit les mots « Bauer Vinia Pia ». En s'appuyant sur les descriptions qui ponctuent ses lettres à Charlotte, l'immeuble, la vue, la proximité avec le Tibre, nous parvenons à retrouver son adresse exacte. Jusque-là, personne ne savait où Otto avait vécu à Rome. Et nous voilà, Horst et moi, devant le domicile romain de son père. C'est un grand immeuble, de couleur abricot, entouré de jardins, de cours de tennis et de haies bien taillées. Aujourd'hui, c'est une auberge de jeunesse, mais en 1949, Vinia Pia était un monastère et un orphelinat. Otto s'installe dans une petite cellule spartiate. Il est nourri et logé. Seule restriction, un couvre-feu. C'est ainsi qu'Otto Wächter, recherché pour crimes contre l'humanité et génocide, est accueilli par des moines catholiques. Il se sent tellement en sécurité parmi eux qu'il écrit à Charlotte en lui suggérant d'envoyer leur fils, Otto Junior, passer l'été avec lui. Junior apprendrait l'italien et ils iraient nager ensemble dans le Tibre. Ce jour de printemps, à Vinia Pia, un moine nous accueille et nous ouvre les archives du monastère. Horst les feuillette dans l'espoir de trouver une information sur son père. Les annales di Vinia Pia ont été rédigées par un moine. Pour l'année 1949, on ne trouve aucune mention de mon père. La seule chose qui peut intéresser, c'est que Walter Rauf a séjourné ici un an avec sa femme. Dans quelle chambre ? On sait que ton père a emménagé dans celle de Walter Rauf. Ah bon ? Walter Rauf a donc entamé ici la cavale qui fera de lui, 35 ans plus tard, l'un des nazis les plus recherchés au monde. Son enterrement à Santiago du Chili en 1984 fut l'un des derniers grands rassemblements de nazis. Alors qui est Walter Rauf ? C'est l'inventeur de la chambre à gaz mobile, un camion aménagé qui permettait aux nazis de tuer entre 25 et 60 personnes d'un coup. Ces gas wagons ont été utilisés en particulier dans le camp d'extermination de Chełmno en Pologne. Dans une note datant de juin 1942, Rauf se félicite d'avoir tué, avec trois camions et en l'espace de 6 mois seulement, 97 000 personnes. Après la guerre, Walter Rauf est capturé par les Alliés. Il s'évade, Puis il est recruté comme espion par différents services secrets étrangers, dont les services secrets allemands et israéliens, pour lesquels il effectue des assassinats ciblés en Égypte. En 1949, on le retrouve en Syrie comme conseiller militaire du président. Il est évidemment espion. De là, il a écrit à Otto « Surtout ne me suivez pas ». Il lui explique qu'il n'y a pas beaucoup de travail en Syrie et que ce n'est pas facile d'apprendre l'arabe. Plus tard, il s'installera au Chili. Des rumeurs disent qu'il a travaillé pour Pinochet après son coup d'État en septembre 1973. À Viña Pia, Otto, comme il le mentionne dans une lettre à Charlotte, s'installe dans la chambre que Walter Rauf vient de quitter. Si j'ouvre le registre page 651, je tombe sur un compte-rendu de l'année 1949. D'après Horst, qu'il a lu, il n'y a aucune information sur son... Ah si, Wächter. Ah oui ? Oui, je viens de la trouver tout en bas et on lit... Otto Wächter. Le registre dresse la liste des gens qui ont séjourné à Viña Pia en 1949. Nous reconnaissons immédiatement, Horst et moi, les noms de fascistes, notamment Giuseppe Spinelli, ancien ministre du Travail de la République de Salo, et de quelques nazis notoires, parmi lesquels Walter Rauf, donc. Une interprétation possible, mais ce n'est qu'une interprétation. Tous les noms qui figurent là sont ceux d'individus viscéralement anticommunistes. Est-ce pour cette raison qu'ils y étaient accueillis ? Le moine qui nous a accueillis nous explique que l'Église n'avait pas pris parti, qu'elle ne se mêlait pas de politique et accueillait tout un tas de gens. Certains étaient des résistants italiens, des partisans. D'autres étaient des criminels de guerre. L'accueil est une des missions de l'Église. Si Viña Pia offrait assistance et refuge à toute personne qui en avait besoin, il serait logique qu'on trouve le nom de partisans ou de juifs réfugiés. Pensez-vous qu'il en figure dans ses annales ? Il me répond qu'il n'y en a pas. Je doute qu'on trouve dans le registre le nom de socialiste, de juif ou de partisan. Allons sur le toit. C'est au deuxième étage. Otto writes to Charlotte on the 22nd of May. Le 22 mai 48, Otto écrit à Charlotte. Après ma gymnastique du matin sur le toit, d'où je vois la ville et la campagne, j'ai reprisé des chaussettes et à présent, j'écris quelques lettres. Puis, il décrit le bâtiment d'Ekati dans lequel il vit. Tel qu'il n'en existe qu'à Rome. Un mélange de vieilles pierres, de termes romains et aussi un petit air de prison. C'est vrai que c'est troublant. Viña Pia ressemble beaucoup à une prison, une cour couverte, surplombée de balcons intérieurs, et une multitude de petites cellules dans lesquelles dorment d'authentiques criminels. Vraiment crasseux et en même temps terriblement romantique. Tous les matins, Otto monte sur le toit pour faire de la gym. Il fait beaucoup de sport, il court, et je l'imagine faire son jogging dans le seul pantalon qu'il possède, un pantalon long. Je connais les détails de sa garde-robe, car il se plaint dans une lettre à Charlotte que dans sa chambre, il n'y a rien pour ranger ses costumes à l'abri des mythes. Je n'en reviens toujours pas qu'il soit arrivé en Italie avec un seul costume. Je sais aussi que ce qu'il aimera vraiment, c'est un maillot de bain. Plus le temps passe, plus j'ai envie de me baigner dans le Tibre. Il le sait, on l'a prévenu, il ne faut pas nager dans le Tibre. Le fleuve n'est pas très loin, mais l'eau est marron. On m'a déconseillé de me baigner parce que dans le sud de la ville, le fleuve transporte toutes les eaux usées. C'est curieux que dans une ville où il fait aussi chaud, où la météo est aussi agréable, il n'y ait presque aucune piscine municipale. J'essaie de me faire des relations, bien sûr, de trouver du travail, mais tout le monde a du mal à joindre les deux bouts, ce qui n'est pas très encourageant. Mon pécule fond à vue d'œil. Pourtant, je me prive de tout. Que faire? Je ne peux pas rentrer, je n'ai pas d'argent. Je vais continuer, comme je pourrais. Je ne renonce pas, mais je ne me fais aucune illusion. C'est plus dur de voir ses espoirs anéantis que de ne pas en avoir du tout. Le plus dur, c'est que j'y ai cru. Je suis désormais sans grand espoir. Mais Otto rencontre des gens susceptibles de l'aider à fuir ou, au moins, de lui procurer du travail. J'ai enfin gagné de l'argent grâce à un petit boulot, et pas n'importe lequel, figurant dans un film. 10 000 lire en 3 jours. Malheureusement, c'est demain le dernier jour du tournage, mais j'aurais gagné 14 000 lire. Je suis fou de joie, évidemment. Ça me tire d'une situation qui devenait de plus en plus délicate. Je vais pouvoir reprendre mes recherches plus calmement. Un ancien nazi recherché pour crime de guerre qui fait de la figuration, ça paraît complètement fou. Je découvre que le film dans lequel Otto Wächter a joué s'intitule « La forza del destino », « La force du destin ». C'est une adaptation de l'opéra de Verdi tourné à Cinecittà, le plus grand studio de cinéma d'Europe. Mais ce n'est pas le seul film dans lequel Otto a tourné. Un écrivain italien, Mario Tedeschini Lali, que des amis communs ont mis au courant de mon tout nouvel intérêt pour le cinéma italien des années 40, m'envoie un email. Il pense avoir repéré la trace d'Otto Wächter dans un autre film, réalisé par un Hongrois, Geza von Ralvani, et intitulé Donne senza nome, Femme sans nom. C'est un drame romantique sorti en 1950 qui met en scène des femmes sans papier dans un camp de réfugiés italiens juste après la guerre. L'une d'elles va retrouver le médecin nazi, une femme, qu'il avait livrée en pâture aux officiers allemands. Tout un programme. Dans une scène du film, deux militaires américains font irruption dans un appartement et crient aux occupants de sortir. Ça pourrait être Otto, là, en militaire, me demande Mario. Je regarde la scène. Son visage m'est familier. Je l'envoie à Horst qui me répond « sûr à 100%. » Ça semble totalement improbable, mais Otto Wächter a joué un rôle d'officier américain dans un film et il n'est pas figurant de base. Il a même du texte. De toute évidence, Otto adore sa nouvelle carrière d'acteur. À présent, je vais pouvoir m'acheter tout ce dont j'ai besoin. Des lames de rasoir et du cirage. Et je ne serai plus obligé de me demander si je peux m'offrir un billet de tram ou un citron pour ma limonade du soir. Bien sûr, pas question de faire des folies. Je suis fier parce que dimanche, pour la première fois, je sortirai de Rome. Je vais passer quelques jours au bord d'un lac. La vie d'Otto s'améliore peu à peu. Il va enfin pouvoir quitter Rome, suffocante et poussiéreuse, pour prendre l'air. Il écrit à Charlotte qu'un ami, qu'il prend soin de ne pas nommer, lui propose de passer un week-end en famille au vert, en compagnie de sa femme italienne et de leur petite fille de 2 mois. Leur maison se trouve près de Castel Gandolfo, à 1 heure de Rome en car. C'est la ville du Palais des Papes, la résidence d'été qui fait partie du Vatican, un endroit merveilleux près du lac d'Albano. Je m'y suis rendu. Je plonge. C'est à toi de voir. Oh là là, on s'enfonce. Je fais 100 mètres max. Ce samedi 2 juillet 1949, Otto est en week-end. Ses hôtes ont apporté de quoi pique-niquer, du poulet rôti, du jambon, du pain. Mais d'abord, ils vont nager. On a sauté à l'eau. C'est peu profond. L'eau bleue turquoise, le ciel bleu, c'est magnifique. C'est un paysage extraordinaire. J'imagine que Otto, lui aussi, a dû se sentir merveilleusement bien. À ce moment-là de son histoire, Otto a enfin des perspectives. Certes, il est recherché, séparé de sa femme et de ses enfants, mais il va enfin obtenir le passeport et le visa spécial qui lui permettront de se rendre en Amérique latine. Pourtant, dans quelques semaines, il sera mort. Dans le prochain épisode de La Filière, je demanderai à l'écrivain John le Carré de m'aider à comprendre qui, des espions américains, soviétiques ou israéliens, qui aurait pu assassiner Otto Werther. C'était La Filière, une enquête de Philip Sounds. Écrite et racontée par Philip Sounds. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Adaptation, India Boucrel et Florence Martin-Kessler. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Musique originale, Sekou Keïta et Catherine Finch. Avec Irène Jacob pour la voix de Charlotte Wächter. Lambert Wilson pour la voix de Otto Wächter. Et Horst Wächter, voix française, Emmanuel Ménard. Norman Goda à Gainesville en Floride. Voix française, Jean-Christophe Fraîche. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Générique complet à retrouver sur franceculture.fr.